وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le livre du divorce, At-Talaq, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, il a répudié une épouse à lui alors qu'elle était en état de monstrue. Et Omar, son père, est parti rapporter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a dit ensuite qu'il la reprenne, ensuite qu'il la garde auprès de lui jusqu'à ce qu'elle soit en état de pureté, ensuite qu'elle ait ses menstrues, ensuite qu'elle soit en état de pureté. À ce moment-là, s'il désire la répudier, qu'il le fasse avant qu'ils aient des rapports. Et voilà la période comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné. Et dans une autre version du hadith, jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues prochaines, autre que la menstrue pendant laquelle il l'a répudiée. Et dans une autre version, فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا. Donc cela a été compté comme une répudiation. Et Abdullah ibn Omar l'a reprise comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire. تكلمنا الأسبوع الماضي عن بعض المقدمات في مسألة الطلاق. إذن في هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وهذه المرأة اسمها آمنة بنت غفار كما قال ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه. Donc la semaine dernière nous avions cité certains passages liés, plutôt certaines introductions liées au divorce. Et donc aujourd'hui on va expliquer ce hadith dans lequel il est cité que Abdullah ibn Omar a répudié son épouse alors qu'elle était en état de menstrue. Cette femme s'appelle Aminatou bint Rifar, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh. نستفيد من هذا الحديث تحريم طلاق الزوجة وهي حائض، وهذا هو الذي ذكرناه الأسبوع الماضي ويسمى بالطلاق البدعي. Donc on peut prendre de ce hadith que il est interdit à la personne de répudier sa femme lorsqu'elle est en état de menstrue. Donc Abdullah ibn Omar, il a fait cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et comme on avait cité la semaine dernière, le divorce, at-talaq, est divisé ou bien est de deux sortes. Nous avons talaq sunni et talaq bidai. Donc sunni, c'est donc en suivant les ordres religieux. Donc on ne peut pas divorcer quand on le désire. Il y a des moments où il est interdit de divorcer. Et c'est ce moment-là que l'on appelle At-Talaq al-Bidai. Et parmi cela, le fait de répudier la femme lorsqu'elle est en état de menstrue. At-Talaq al-Sunni هو أن يطلقها طاهرا من في في في طاهرا لم يجامعها في هذا الطهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى فيطلقها قبل أن يمسها. كذلك من الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فليطلقها حائلا أو حاملا. كذلك من الطلاق السني أن يحصل هذا الطلاق مرة واحدة في طهر، يعني لا يطلقها بثلاث مرات بلفظ واحد، فهذا كذلك بدعي ومحرم. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها. وإذا طلق الإنسان زوجته ثلاث مرات كأنه يريد أن يسقط الرجعة التي هي حق للمرأة. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Donc on a dit qu'il y a deux sortes de divorce, al-sunni wa al-bidai. Al-sunni, donc c'est le fait de répudier la femme lorsqu'elle est en état de pureté, qu'elle n'a pas ses menstrues et qu'il n'y a pas eu de rapport entre les deux époux. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il a dit فَلْيُطَلِّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, qu'il la répudie avant qu'il ne la touche. Également, parmi les choses rentrant dans At-Talaq Sunni, le fait de répudier l'épouse lorsqu'elle est enceinte. Car le prophète s'enseigne dans une autre version du hadith, qui n'a pas cité l'auteur, فَلْيُطَلِّقَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا, donc il la répudie qu'elle ne soit pas enceinte ou bien enceinte. Également, il faut que cela ait lieu parfois, et par plusieurs fois. On ne peut pas, comme le font certains, répudier l'épouse trois fois en une seule parole. Car Allah, dans le Coran, il dit « At-talaqu marratan », le divorce a lieu deux fois. فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Donc soit la personne reprend son épouse ou bien il la laisse finir sa période de viduité et ensuite le divorce a lieu. Et donc il y a des gens, comme on va voir dans At-Talaq al-Bid'i, qui veulent enlever cela et ils répudient leur épouse trois fois en une seule phrase. Et cela est interdit. هذا هو الطلاق السني. الآن ننتقل إلى الطلاق البدعي. ونفهم من البدعي أنه محرم. الإنسان يأثم إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا يكتب عليه إثم. النوع الأول أن يطلقها في الحيض كما في هذا الحديث, حيث تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وغضب, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتغيظ إلا عن محرم. Donc la première sorte de talaq bidai, le fait de répudier l'épouse pendant qu'elle est en état de menstrue. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et son visage a changé, ce qui prouve que cela est interdit. Il a dit également, il a ordonné que Ibn Omar reprenne son épouse. النوع الثاني من الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطلاق قبل أن يمس الرجل زوجته. Donc la deuxième sorte de divorce bidai, c'est le fait de répudier l'épouse alors qu'elle n'est pas en état de menstrue, elle est en état de pureté, mais il y a eu des rapports entre les deux époux. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Ibn Omar reprenne son épouse, en plus suite qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle soit en état de pureté, ensuite qu'elle re-ait ses menstrues, ensuite qu'elle se retrouve en état de pureté, ensuite s'il veut qu'il la garde ou bien qu'il la répudie avant qu'il ne la touche. Donc cela prouve que l'inverse, le fait de répudier en ayant touché son épouse quand elle est en état de pureté, cela est interdit. كذلك من الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته ثلاثة طلقات بلفظ واحد. Également, il est interdit à l'homme de répudier son épouse trois fois en une seule phrase. Comme le font certains, ils disent أنت طالقون طالقون طالق ou bien أنت طالقون بالثلاث. Ils pensent qu'il a fait une bonne chose en faisant cela. لا هو محرم. C'est interdit. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال أليلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي. Mahmoud ibn Labid, il est parti voir le prophète Sallam, il a informé sur un homme qui a répudié son épouse trois fois ensemble. Donc en lui disant anti taliqun bi thalath ou bien anti taliqun taliqun taliq. Le prophète Sallam s'est levé énervé en entendant cela et il a dit ayyul habu bi kitabillahi wa ana bayna adhurikum. Joutons avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous. C'est-à-dire que Allah dans le Coran, il a bien expliqué comment devait avoir lieu le divorce, qui devait avoir lieu deux fois, et que deux fois, et la troisième fois c'est définitif, et que après il devait y avoir une période de viduité pendant laquelle il peut y avoir imsek ou bien tasrih. Donc soit il reprend son épouse, soit il ne la reprend pas. Mais le fait de répudier trois fois de cette manière, ça annule, on va dire. C'est comme si la personne ne voulait pas des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a dit Ayyul'abu bi kitabillahi wa ana bayna adhurikum. Joutons avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous. C'est-à-dire, que ferez-vous après ma mort si vous faites déjà cela alors que je suis parmi vous. Ensuite, un homme a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam énervé et il a dit Ya Rasulallah, ala aqtulu. Ne veux-tu pas que donc je me débarrasse de cet homme? Donc du fait qu'il avait vu le prophète sallam énervé. Idhan talaqu al-ha'id muharram. Man talaqa zawjatahu wa hiya ha'id fa huwa athim. Wa bil munasaba nulahiz anna aghlaba talaq an-nas huwa min hadha an-nu' al-muharram. Al-insan yutalliqu زوجته ولا يفكر هل هي حائض هل هي في طهر قد وقع جماع بينهما يعني أغلبية طلاقات الناس من هذا القبيل فهو يأثم عند طلاقه لهذه الزوجة. Donc on remarquera également que après avoir vu le talaq qui est autorisé, celui qui est interdit, que la majorité des cas, donc des gens, sont des divorces muharram, bidai. La plupart des gens ne réfléchissent même pas lorsqu'ils divorcent leur épouse. Est-ce qu'il m'est permis de répudier à ce moment-là ou pas? Parfois elle est en état de monstrueux, il la répudie. Parfois un autre, sa femme est en état de pureté, il y a eu des rapports entre les deux, il la répudie. Donc tout cela est interdit. Les autres qui également répudient leurs épouses trois fois en une seule phrase. Donc tout cela est interdit. Il n'y a que très peu de personnes qui lorsqu'ils veulent répudier leurs épouses, font attention aux règles du divorce dans l'islam et essayent de répudier leurs épouses de la manière donc licite, que l'on appelle al-talaq al-sunni. Talaq al-ha'id muharram, walakin yaqa, walakinahu waqi'un, yani yuhsab talqa. Donc le fait de répudier l'épouse lorsqu'elle est en état de menstrue, c'est interdit. Mais cela ne veut pas dire que cela n'a pas lieu. Donc c'est interdit, mais cela a lieu. Cela a lieu. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الطلاق مرتان وقال فإن طلقها فلا تحل له. الله عز وجل يعني أطلق الطلاق ولم يقيده بحال دون حال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة هذه المرأة، والمراجعة لا تكون إلا بعد عقد أو بعد طلاق، بعد طلاق صحيح. هذا يدل على أن هذا الطلاق قد وقع على عبد الله بن عمر، ولو لم يكن واقعا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. Donc le divorce lorsqu'il a lieu pendant les périodes de menstrues c'est illicite, mais il a lieu, c'est-à-dire qu'il est compté comme un divorce. Allah dans le Coran, lorsqu'il a parlé du divorce, il a dit at-talaq marratan, le divorce a lieu deux fois. Ensuite il a dit fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. S'il a répudié, elle ne peut plus être licite à lui jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme. Donc l'islam ou bien le Coran n'a pas cité de cas pendant lequel cela est compté et cela n'est pas compté. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où la personne prononce la parole de divorce, le divorce est compté. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il a ordonné Ibn Omar de reprendre son épouse en lui disant « fal yuraji'aha » qu'il la fasse revenir, ce que l'on appelle « al-muraja'a ». Et « al-muraja'a », ce mot-là, il a lieu lorsqu'on parle de divorce. Donc ce qui prouve vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté cela comme un divorce. Wa fil Bukhari an Sa'id ibn Jubayr an ibn Umar radiyallahu anhuma qal husibat alayya tatliqa. Husibat alayya tatliqa. Ibn Umar yani sarraha an ma fa'alahu ma zawjatihi indama talaqaha wa hiya ha'id husibat alayhi tatliqa. Donc Ibn Omar, dans Al-Bukhari toujours, l'auteur ne l'a pas cité, il nous dit que lorsque cet événement a eu lieu, husibat alayhi tatliqa, cela a été compté comme un divorce. Cela a été compté comme un divorce. Idhan an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huna amarahu bil muraja'ah. أمره بالمراجعة فمن طلق زوجته وهي حائض فإنه يؤمر بمراجعتها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن عمر وراجعها عبد الله ابن عمر وإن لم يفعل فهو آثم لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا معظم الناس لا يهتمون بهذا، أن يطلقون زوجاتهم وهن حيض ولا يراجعونهن. لا لا لا، c'est ce qu'on appelle c'est pas la troisième fois. Ça c'est la c'est les fois d'avant. Comment? La troisième fois c'est fini. Là, c'est dans les cas avant la troisième fois. La troisième fois, فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de la reprendre. Il lui a ordonné de la reprendre. فَلْيُرَاجِعْهَا. Et donc la personne qui répudie son épouse lorsqu'elle est en état de menstrue, il lui est ordonné de la reprendre. Il lui est ordonné de la reprendre, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici avec Abdullah ibn Omar. Et donc, comme on a dit, cela est illicite, mais la plupart des gens n'y répudient lorsqu'elle est en état de menstrue et ils ne la reprennent pas, ils la laissent dans leur période de viduité. Non, il faut absolument la reprendre comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. فإذا راجعها عليه أن ينتظر حيضتين ينتظر حيضتين لطلاقها إن أراد ذلك. فإذا الآن هو طلقها وهي حائض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم قال ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. فهو الآن يؤمر بمراجعة هذه المرأة ثم يمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم تطهر. في هذا الطهر الثاني جاز له أن يطلقها بشرط أن لم يكن قد مسها، فإن مسها وجب عليه أن ينتظر طهرا لاحقا لم يجامعها فيه. Donc ensuite, après avoir repris son épouse, parce qu'il l'a répudiée en état de menstrue, il ne peut pas la répudier dès qu'elle a pu ses menstrues. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il la reprenne ensuite qu'elle soit en état de pureté, ensuite qu'elle soit en état de menstrue, c'est-à-dire une deuxième fois, ensuite qu'elle soit en état de pureté, et s'il veut à ce moment-là, il pourra la répudier à condition qu'il n'y ait pas eu de rapport. À condition qu'il n'y ait pas eu de rapport. Donc il faut qu'il attende donc une autre menstrue autre que celle pendant laquelle il a répudié. والحكمة من النهي عن الطلاق أثناء الحيض. قال بعض العلماء أن الحكمة أن الرجل إذا طلق زوجته فإن عدتها طلق زوجته وهي حائض فإن عدتها تطول عليها، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، وإذا طلقها وهي حائض هذه الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب، فهي ستطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فكأنها يعني انتظرت في عدتها أربع حيضات. فالشرع أراد أن يخفف على هذه المرأة فأمر الرجال أن لا يطلقوا زوجاتهن وهن حيض. هذا هو القول الأول. وقول بعض العلماء أن المرأة إذا حاضت يعني يكون لها مزاج نفسي مختلف عن ما عن الأيام الأخرى، ففي هذا الوقت يكون الدافع للطلاق قويا، فيحصل خلافات بين الأزواج في هذه الفترة، فنهى الشارع الرجال أن يطلقوا زوجاتهم في هذه الفترة. Donc la cause et la sagesse pour laquelle donc l'islam interdit aux hommes de répudier leurs épouses lorsqu'elles sont en état de menstrues. Certains savants disent afin que la période de viduité ne soit pas trop longue. Car Allah dans le Coran il nous dit que les femmes répudiées doivent attendre une période de trois menstrues. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Ils attendent trois menstrues. Et si la personne répudie son épouse lorsqu'elle est en état de menstrues, ces menstrues ne sont pas comptées. Donc en fait, elle va la répudier. Donc elle est en état de menstrues. Ensuite, ces monstrues vont partir, elles seront en état de pureté. Ensuite, elle sera en état de monstrue et ce sera à ce moment-là seulement qu'on comptera. À ce moment-là seulement qu'on comptera. Ensuite, deuxième monstrue, troisième monstrue. À ce moment-là, la période de véduité prendra fin. Donc la personne, en faisant cela, elle rajoute à l'aïda, la période de véduité, peut-être plus d'un mois. Donc l'islam a voulu donc alléger cela à la femme répudiée. Également, certains savants disent que la femme, lorsqu'elle est en état de monstrue, elle est dans, elle a donc un caractère différent des autres périodes, des autres jours. Et donc, à ce moment-là, il y a souvent des divergences entre les deux époux et l'homme a plus tendance justement donc à être a plus tendance à vouloir donc répudier son épouse pendant cette période, donc à cause donc de ce changement de comportement de son épouse. Donc l'islam, afin que cela n'ait pas lieu, a interdit à l'homme de répudier son épouse lorsqu'elle est en état de monstrue. Sebeb talaq Abdullah ibn Omar li zawjati. Pourquoi Ibn Omar il a répudié son épouse? Qui sait? Hein? Omar ibn al-Khattab wa alladhi amarahu bi hadha. Omar abu wa alladhi amarahu bi talaqi zawjati. Ja'a fi riwayatin 'inda Abi Dawud li hadha al-hadith أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت أني رفضت أن أطلقها فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. Donc son père, c'est lui qui lui a ordonné de faire cela. Et Omar, il a ordonné à son fils de répudier son épouse. Abdullah ibn Omar, il nous dit que donc, j'étais marié avec une femme que j'aimais beaucoup et que Omar détestait. Il m'a dit répudie-la. J'ai refusé. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a cité cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Abdullah ibn Omar, talliqha. Et donc, le problème, c'est qu'il l'a répudié en état de monstrue. وهناك سؤال هل يطاع الأب في أمره بتطليق الزوجة؟ فمن جاء أبوه فأمره أن يطلق زوجته. من العلماء من قال أنه يطاع واستدل بهذا الحديث. ومن العلماء من فصل لأن ليس كل الآباء مثل عمر. عمر يعني أمر ابن عمر بتطليق هذه المرأة لأن في الغالب رأى منها يعني أمرا مخالفا للشرع. أما كثير من الآباء في هذا الزمان قد يأمر ابنه بطلاق زوجته لأمر دنيوي. ولهذا إذا بين الأب السبب الذي من أجله يطلب من ابنه أن يطلق زوجته وكان هذا السبب يعني شرعيا ففي هذه الحالة يعني يطيع الولد والده في هذا وإلا لا يطيع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل فقال له إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال له الإمام أحمد لا تطلقها. فقال الرجل أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ فقال له حتى يكون أبوك مثل عمر. وسأل رجل بشر بن الحارث رحمه الله عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. Donc est-ce que l'enfant doit obéir à son père lorsqu'il lui ordonne de répudier son épouse? Donc Omar, il a ordonné à Ibn Omar de répudier cette femme. Certains savants disent qu'il faut obéir en se basant sur ce hadith. D'autres savants détaillent le sujet en disant que Omar a dû voir de cette femme donc une chose contraire donc à l'islam qui ne permettait pas à son fils de garder cette épouse. Contrairement donc à beaucoup de personnes qui peuvent demander à leurs enfants de répudier leur femme pour des choses ici-bas, comme par exemple une fois ta femme m'a mal parlé ou quelque chose comme ça, yani talliqha. Omar ibn al-Khattab, il a dû voir une chose vraiment contraire et très grave à la religion. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'un homme est venu à lui et lui a dit « Mon père m'ordonne de répudier ma femme, que dois-je faire ?» L'imam Ahmed lui a dit « Ne la répudie pas. » L'homme a alors dit « N'est-il pas vrai que Omar a ordonné à son fils, à Abdullah, de répudier sa femme ?» L'imam Ahmed lui a dit alors « Hatta yakuna abuka mithla Omar. » Fais-le lorsque ton père sera comme Omar ibn al-Khattab. Fais-le lorsque ton père sera comme Omar ibn al-Khattab. Parce que s'il se peut que donc le père soit injuste et demande à son fils de répudier sa femme injustement. Donc c'est pour ça que l'on regarde la cause. Un jour, un homme est venu voir Bishr ibn al-Harith rahimahullah et l'a questionné au sujet d'un homme qui est marié et dont sa mère lui ordonne de répudier sa femme. Bishr ibn al-Harith a dit « Si cet homme est obéissant à sa mère dans tout ce qu'elle lui ordonne et qu'il ne lui reste plus comme obéissance que cela, dès qu'elle demande quelque chose, il met tout de suite en pratique et qu'il ne reste que cela qu'il n'a pas mis en pratique, c'est-à-dire le fait de répudier sa femme, qu'il le fasse. Mais si il est seulement obéissant dans cela, ensuite il va voir sa propre mère et qu'il la violente, à ce moment-là, qu'il ne fasse pas cela. كذلك يستفاد من هذا الحديث جواز طلاق المرأة الحامل ولا إشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيطلقها حاملا أو حائلا. Donc également, il est permis de répudier la femme lorsqu'elle est enceinte. Il n'y a aucun problème à cela, et cela est sunni. Vous remarquerez que les gens, à l'heure actuelle, si on expose deux cas, on dit un homme, il a répudié sa femme en état de menstru, et un autre, il a répudié sa femme quand elle était enceinte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est qui le pire? Hein? Hein? وكن هذا حرام وهذا حلال هذا حرام وهذا حلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليطلقها حاملا او حائلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها، يعني مر ولدك ان يراجع زوجته. والرجعه هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، هذا هو الرجعة. أما الطلاق البائن فلا رجعة فيه. Donc le prophète sallam a dit à Omar qu'il ordonne à son fils donc de reprendre cette femme. C'est ce que l'on appelle al-muraja'a ou bien al-raja'a. Donc c'est le fait de reprendre l'épouse et donc de la ramener à la vie conjugale sans nouveau contrat de mariage. Ce qu'on avait cité, on avait cité que nous avons at-talaq al-rajai, nous avons at-talaq al-ba'in bainunatan sughra, wa at-talaq al-ba'in bainunatan kubra. Donc là, on est en train de parler de at-talaq al-rajai. En ce qui concerne al-ba'in, il faut pour al-sughra qu'il y ait un nouvel acte de mariage, et pour al-kubra qu'il y ait un nouveau mariage avec un autre homme. يقول الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. C'est-à-dire que leurs épouses ou bien leurs époux, ce sont eux qui méritent le plus de reprendre ces femmes. Donc s'ils veulent bien sûr la réunification. In aradu islaha. Wa yustahabu kathalika ma yusama bi al-ishhad. An yushhid al-insan ala muraja'atihi li zawjati. Wa idha talaqa al-rajulu zawjatahu yustahab أن يأتي بشهود عند مراجعتها لقول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأشهد ذوي عدل منكم. Également, il est conseillé de prendre des témoins lorsque l'homme reprend son épouse. De témoins, car Allah dit dans le Coran wa ashhidu dhawi 'adlin minkum dans sourate At-Talaq, c'est-à-dire prenez deux hommes intègres comme témoins. Wal ishhad laysa biwajib, le Nabi sallam huna lam ya'mur bil ishhad fi hadith Abdullah ibn Umar qala murhu falyuraji'ha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a juste dit ordonne-lui de la reprendre sans parler de témoin. Lakin ishhad muhim. Lian al-mar'a idha raja'aha zawjuha biduni ishhad qad tantahi al-iddah wa hiya tajhadu annahu raja'aha. Taqul la lam yuraji'ni fa tadhhabi. فهو يشهد على المراجعة يعني لفصل النزاع. Donc il se peut que c'est important de prendre des témoins lors de la reprise de l'épouse, car il se peut qu'il la reprenne et au bout de trois menstrues elle dit il ne m'a pas reprise et elle s'en va. Alors lui il l'a reprise mais elle ne veut plus vivre avec lui. Le fait de le reprendre l'épouse, la femme n'a pas de, il n'est pas demandé qu'elle soit d'accord. Il suffit que l'homme désire reprendre son épouse, à ce moment-là, il peut le faire. Et donc, il se peut que donc il la reprenne et qu'à la fin des trois menstrues, elle la dise. Il ne m'a pas reprise et elle s'en va. Donc à ce moment-là, c'est important d'avoir donc deux témoins qui témoigneront qu'il l'a bien reprise. والزوجة في زمن العدة لها حكم الزوجات هي مطلقة ولكن لها حكم الزوجات فالرجل ينفق عليها ويكسيها ويسكنها في مسكن إلا أن لا قسم لها. فمثلا رجل له زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع، إذا طلق إحداهن فلا قسم لها، يعني لا يبيت عندها في وقت عدتها، ولكن ينفق عليها ويطعمها ويكسيها يعني كأنها زوجته. إن مات هو ترث منه، إن ماتت هي فإنه يرث منها، وهي كذلك تتزين أمامه، لعله يكون ذلك سببا لمراجعتها. Également l'épouse donc qui est répudiée pendant sa période de viduité que l'on appelle al-idda. Donc là bien sûr on parle de divorce pendant lequel il peut la reprendre. On ne parle pas de la personne qui a répudié sa femme trois fois. On parle par exemple d'une personne qui a répudié sa femme une fois ou bien une deuxième fois. Cette femme-là, pendant la période de viduité, elle est comme une épouse. C'est-à-dire elle a les mêmes droits que les autres épouses. Il doit donc subvenir à ses besoins. Il doit la vêtir, il doit la nourrir. Il doit également la loger. Sauf que elle ne mérite plus à ce moment-là la répartition des nuits, comme on avait cité précédemment. Admettons qu'un homme possède deux épouses, ou bien trois épouses, ou bien quatre épouses. Cette femme qui est répudiée pendant cette période, donc elle sort de la répartition des nuits. Elle sort de la répartition des nuits et il ne restera que chez ses épouses qui ne sont pas répudiées. Également, cette femme-là, devant cet homme, s'embellit afin que peut-être justement ce soit la cause qu'ils reviennent ensemble. D'accord ? Donc pendant la période de viduité qui est de trois monstrues. كَذَلِكَ يَحْرُمْ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا مِنَ الْبَيْتِ قَالَ تَعَالَى لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ونرى أن معظم الناس إذا طلق زوجته أول ما يفعل يخرجها من بيته وتلتحق ببيت أبيها، وهذا خطأ وأمر محرم مخالف للقرآن الكريم. لا تخرجوهن من بيوتهن. الله عز وجل وصف هذه البيوت ببيوتهن، كان هذا البيت لها. Également, parmi les choses interdites, le fait de sortir la femme du foyer. Allah dit dans le Coran, لا تخرجهن من بيوتهن. Ne les faites pas sortir de leur demeure. Et qu'elles ne sortent que si elles ont commis une fahisha, c'est-à-dire la fornication. À ce moment-là, l'homme ne peut pas rester avec cette femme. Mais dans tous les autres cas où la personne répudie son épouse, il ne faut absolument pas qu'il la fasse sortir de la demeure. Car le but de